Les Hauts de Hurlevent d'Emily Brontë. Sixième épisode. Après m'avoir raconté comment Heathcliff avait été chassé du manoir de la Griffe par Edgar Linton et la maladie de Catherine qui suivit ce drame, Mrs. Dean m'apprit qu'Isabelle s'était enfuie pour suivre Heathcliff et l'avait épousé. Désavouée par son frère Edgar, elle s'installa à Hurlevent où elle vécut un calvaire aux côtés d'un Hindley détruit par l'alcool et du petit Ayrton livré à lui-même. Elle découvrit surtout le vrai visage de son mari qui, rongé par son amour pour Catherine, la traitait avec mépris et cruauté. Un jour, Heathcliff réussit à convaincre Mrs. Dean de faire passer une lettre à Catherine. J'apportai la lettre de Heathcliff à Catherine dans sa chambre quand toute la maisonnée fut partie pour l'église. Mrs. Linton était assise comme de coutume dans l'embrasure de la fenêtre ouverte, vêtue d'une robe blanche flottante et les épaules couvertes d'un châle léger. Sa physionomie était changée, comme je l'avais dit à Heathcliff. Mais lorsqu'elle était calme, elle revêtait dans ce changement comme une beauté surnaturelle. L'éclat des yeux avait fait place à une douceur rêveuse et mélancolique. Elle ne donnait plus l'impression de se poser sur les objets qui l'environnaient, mais semblait regarder très loin au-delà. Hors de ce monde, eut-on dit. La pâleur de son visage, ainsi que l'expression particulière qui provenait de son état mental, réfutaient les preuves plus tangibles de sa convalescence en lui imprimant le sceau d'un dépérissement qui semblait fatal. Voici une lettre pour vous, Mrs. Linton. Il faut que vous la lisiez tout de suite car elle demande une réponse. Dois-je rompre le cachet, madame ? Oui. Dois-je vous la lire ? Elle est de Mr. Heathcliff. Catherine tressaillit, eut une lueur de mémoire inquiète et lutta pour mettre ses idées en ordre. Eh bien, il désire vous voir. Il est au jardin à présent. Impatient de savoir quelle réponse je vais lui apporter. Une minute après, on entendit marcher dans le vestibule. La maison ouverte était une tentation trop forte pour que Heathcliff résistât au désir d'y entrer. Catherine écouta, haletante. Son regard était ardemment tendu vers la porte de sa chambre. Oh, Cathy. Oh, ma vie. Comment souffrir cela? Il avait été saisi comme moi dès l'instant qu'il l'avait vue, de la conviction qu'il n'y avait plus d'espoir de guérison pour elle. Qu'est-ce encore? Toi, Edgar, vous m'avez brisé le cœur, Heathcliff. Et vous venez tous deux vous en lamenter, comme si c'était vous qui étiez à plaindre. Tu m'as tué. Et cela te réussit, je crois. Comme tu es robuste. Combien d'années comptes-tu vivre encore après que je serai partie? Heathcliff avait mis un genou en terre pour l'embrasser. Il tenta de se relever, mais elle le prit par les cheveux et le maintint dans la même posture. Je voudrais pouvoir te retenir jusqu'à ce que nous fussions morts toutes. Peu m'importe ce que tu souffrirais, m'oublieras-tu? Seras-tu heureux quand je serai dans la terre? Diras-tu dans 20 ans, voilà la tombe de Catherine Earnshaw. Je l'ai aimée autrefois et j'ai été désespérée de la perdre, mais cela est passé. J'en ai aimé bien d'autres depuis lors. Diras-tu cela, Heathcliff? Ne me torture pas jusqu'à me rendre aussi fou que toi. Es-tu possédé pour pour me parler de la sorte alors que tu es mourante. Songes-tu que toutes ces paroles seront marquées au fer rouge dans ma mémoire et me rongeront éternellement quand tu m'auras quittée? Tu sais que tu mens en disant que je t'ai tué. Et tu sais aussi, Cathy, que plutôt que de t'oublier, j'oublierai mon existence. Ne suffit-il pas à ton infernal égoïsme que je me torde dans les tourments de l'enfer alors que tu seras en paix? Je ne te souhaite pas de plus grands tourments que les miens, Heathcliff. Je souhaite seulement que nous ne soyons jamais séparés. Viens ici. Agenouille-toi encore. Tu ne m'as jamais fait de mal de ta vie, sache-le. Si tu me gardes rancune, cela te fera un pire souvenir que mes dures paroles. Ne veux-tu pas revenir ici? Reviens. Heathcliff s'approcha du dossier du fauteuil dans lequel elle se tenait, mais se détourna brusquement quand elle voulut le regarder. Son visage était livide d'émotion. Il alla à la cheminée, devant laquelle il se tint en silence, le dos tourné. Oh, tu vois, Nelly, il ne se laissera pas fléchir un moment pour me préserver de la tombe. Voilà comme je suis aimée. Eh bien, n'importe. Ce n'est pas mon Heathcliff. Le mien, je l'aimerai toujours. Je l'emporterai avec moi. Il est dans mon âme. Je suis lasse de cette prison délabrée. Il me tarde de m'évader dans ce monde resplendissant. Pour y rester à jamais. De ne plus le voir confusément à travers mes larmes. Mais d'être vraiment avec lui et en lui. Cher Heathcliff, ne boude plus. Viens près de moi, Heathcliff. Dans son ardeur, elle se leva et s'appuya au bras du fauteuil. À ce pressant appel, il se tourna vers elle d'un air absolument désespéré. Un instant, ils se tinrent à distance l'un de l'autre. Puis c'est à peine si je vis comment ils se rejoignirent. Mais Catherine fit un bond et il la saisit dans ses bras. Ils se nouèrent dans une étreinte dont je crus que ma maîtresse ne sortirait pas vivante. Un mouvement qu'elle fit me rassura un peu. Elle leva la main pour enlacer le cou de Heathcliff et rapprocher sa joue de la sienne, tandis qu'il la couvrait de caresses en retour. Tu me fais comprendre maintenant combien tu as été cruelle et perfide. Pourquoi m'as-tu méprisée? Pourquoi avoir trahi ton propre cœur, Cathy? Ce n'est pas un mot de réconfort à t'adresser. Tu mérites ça. Tu t'es tué toi-même. Oui, tu peux m'embrasser et pleurer et m'arracher des baisers et des larmes. Tu n'en seras que flétrie. Damné! Tu m'aimais! Quel droit avais-tu donc de m'abandonner? Quel droit te donner? Réponds! Ton pauvre engouement pour Linton! Alors que ni la misère, ni la dégradation, ni la mort, ni rien de ce que Dieu ou Satan pouvait nous infliger ne nous eût séparés. Tu l'as fait. Toi, de ton propre gré. Ce n'est pas moi qui t'ai brisé le cœur, c'est toi. Et en le brisant, tu as brisé le mien. Laisse-moi. Laisse-moi. Si j'ai mal agi, je suis en train d'en mourir. Ça suffit. Toi aussi, tu m'as abandonné. Mais je te ferai pas de reproches. Je te pardonne. Pardonne-moi. C'est difficile de pardonner. Quand on regarde ses yeux, on sent ses mains décharnées. Embrasse-moi encore. Que je ne vois pas tes yeux. Je pardonne ce que tu m'as fait. J'aime mon meurtrier. Mais le tien, comment le pourrais-je? Les gens sont déjà sortis de la chapelle. Mon maître ne va pas tarder. Le voilà! Pour l'amour du ciel, Mr. Heathcliff, descendez vite! Dépêchez-vous! Et restez cachés dans les arbres jusqu'à ce qu'il soit bien rentré. Il faut que je parte, Cathy. Il faut que je parte. Si je vis, je te reverrai avant que tu ne sois endormi. Je ne m'écarterai pas d'une toise de ta fenêtre. Il ne faut pas t'en aller. Tu n'arriveras pas, te dis-je. Pour une heure. Pas pour une minute. Il le faut. Linton va être en haut dans un instant. Ne pars pas. C'est la dernière fois. Edgar ne te fera pas de mal. Je mourrai. Je mourrai. Le voilà. Oh diable, l'imbécile. Chut. Chut, ma chérie. Chut. Chut, Catherine. Catherine, je resterai. S'il me tire dessus, tel que je suis à présent, j'expirerai avec une bénédiction sur les lèvres. Et vous écoutez ces divagations? Elle ne sait plus ce qu'elle dit. Voulez-vous la perdre parce qu'elle n'a pas assez le sens pour se sauver elle-même? Vous n'avez jamais rien fait d'aussi diabolique! Mais qu'est-ce que... Vous! Regardez. Elle s'est évanouie. À moins que d'être un démon, soignez-la d'abord. Vous me parlerez après. Avec beaucoup de difficultés, nous parvînmes à faire revenir Catherine à elle... Mais elle était tout égarée. Elle soupirait, gémissait et ne reconnaissait personne. Edgar, dans son anxiété pour elle, oublia Heathcliff. Moi, non. À présent, je vous en conjure, partez. Elle va mieux. Vous saurez demain matin, par mon entremise, comment elle a passé la nuit. Je resterai au jardin, Nelly. Ayez soin de tenir votre parole demain. Je serai sous les mélèzes. Il jeta un coup d'œil rapide vers Catherine et, s'assurant que mes dires paraissaient exacts, il délivra la maison de sa funeste présence. Vers minuit, cette nuit-là, naquit la Catherine que vous avez vue à Hurlevent. Une enfant chétive, venue à 7 mois, et 2 heures plus tard, la mère mourait sans avoir repris suffisamment connaissance pour s'aviser de l'absence de Heathcliff ou de la présence d'Edgar. L'égarement dans lequel son deuil jeta celui-ci est un sujet trop pénible pour que j'y insiste. Quant à la faible orpheline, pendant ses premières heures de vie, elle aurait pu se tuer à force de gémir sans que personne y prît garde. Le matin suivant se glissa à travers les stores de la chambre silencieuse, baignant la couche et son occupante d'une lueur chaude et tendre. Edgar Linton avait la tête posée sur l'oreiller et les yeux clos. Ses beaux traits juvéniles étaient presque aussi cadavériques que ceux de la dépouille qui gisait près de lui et presque aussi rigides. Mais l'immobilité était chez lui celle de la souffrance épuisée et chez elle celle de la paix définitive. Je quittai la chambre car il me fallait voir Heathcliff. Il était là. À quelques mètres, dans le parc, appuyé contre un vieux frêne, nu-tête, les cheveux trempés par la rosée qui s'était accumulée sur les branches bourgeonnantes et qui tombait à grosses gouttes autour de lui. Elle est morte. Je ne vous ai pas attendu pour le savoir. Ne pleurnichez pas devant moi. Dieu vous damne. Elle ne veut pas de vos larmes. Oui, elle est morte. Elle est allée, je l'espère, au ciel, où nous pourrons tous la rejoindre. Si nous prenons garde à l'avertissement et quittons la mauvaise voie pour la bonne. Et a-t-elle pris garde à l'avertissement, elle ? Est-elle morte comme une sainte ? Allons. Allons, faites-moi un fidèle rapport de l'événement. Comment est-elle morte ? Aussi doucement qu'un agneau. Elle a poussé un soupir. Elle s'est étirée comme un enfant qui revient à lui, puis qui retombe dans le sommeil. 5 minutes après, j'ai senti un seul petit battement dans son cœur. Et ce fut tout. Et a-t-elle prononcé mon nom ? Elle n'a jamais repris conscience. Elle n'a reconnu personne après que vous l'avez quittée. Elle repose avec un doux sourire sur les lèvres. Et ses dernières pensées ont fait retour vers les heureux jours de jadis. Sa vie s'est achevée dans un rêve paisible. Puisse son réveil dans l'autre monde être aussi doux. Puisse-t-elle se réveiller dans les tourments. Elle aura donc menti jusqu'au bout. Tu m'as dit que tu ne te souciais pas de mes souffrances et moi je fais une prière. Et je la répéterai jusqu'à ce que ma langue se raidisse. Catherine Earnshaw, puisses-tu ne jamais connaître le repos aussi longtemps que je vivrai. Tu m'as dit que je t'avais tué. Alors, hante-moi. Sois toujours avec moi. Prends n'importe quelle forme. Rends-moi fou. Mais ne me laisse pas dans cet abîme où je ne puis te trouver. Oh Dieu, c'est indicible. Je ne peux pas vivre sans ma vie. Je ne peux pas vivre sans mon âme. Il se cogna la tête contre le tronc noueux et, levant les yeux, il se mit à hurler, non comme un homme, mais comme une bête sauvage percée à mort de couteaux et d'épieux. Les obsèques de Mrs. Linton furent fixées au vendredi qui suivit sa mort. Mr. Earnshaw fut naturellement invité à accompagner les restes de sa sœur jusqu'à sa tombe. Il n'envoya aucune excuse et ne vint pas. De sorte que, en dehors du mari, le cortège se composait uniquement de fermiers et de domestiques. Isabelle n'avait pas été invitée. Catherine, à l'étonnement des villageois, ne fut inhumée ni dans la chapelle, sous le monument sculpté des Linton, ni même en dehors, près des tombes de ses propres parents. Sa fosse fut creusée sur une pente verdoyante dans un angle du cimetière, là où le mur est si bas que la bruyère et les rêles de la lande ont fini par grimper par-dessus et qu'il est presque enfoui dans un humus tourbeux. Je dois aussi vous raconter que le lendemain des obsèques de Catherine se produisit un événement important. Isabelle s'enfuit de Hurlevent après une violente bagarre qui eut lieu entre Heathcliff et Earnshaw et au cours de laquelle elle manqua de se faire tuer en ayant provoqué son mari. Elle n'est plus jamais revenue dans les parages. Je crois que sa nouvelle demeure se trouvait dans le sud, près de Londres. C'est là qu'il lui naquit un fils, quelques mois après sa fuite. Il fut baptisé Linton. Et dès le début, elle le décrivit comme un être chétif et chagrin. Mr. Heathcliff découvrit, par l'intermédiaire des domestiques, l'existence de l'enfant. Il me questionnait souvent sur ce dernier quand il me voyait. Et lorsqu'il apprit son nom, il eut un sourire inquiétant. Ils veulent donc que je le haïsse aussi, n'est-ce pas ? Je ne crois pas qu'ils veulent que vous sachiez rien de lui. Mais je l'aurai quand je voudrai. Ils peuvent y compter. Mon maître parut content que sa sœur eût quitté son mari, qui laborait avec une intensité que la douceur de sa nature semblait à peine permettre. Son aversion était si profonde qu'il s'abstenait d'aller partout où il risquait de voir Heathcliff ou d'entendre parler de lui. Cette crainte, jointe à son chagrin, fit de lui un parfait ermite. Mais il était trop bon pour être longtemps tout à fait malheureux. Il eut une consolation. Pendant quelques jours, comme je vous l'ai dit, il parut ne pas se soucier du petit être qui avait remplacé la disparue. Mais cette froideur fondit aussi vite que neige en avril, et avant que la chétive créature pût balbutier un mot, elle régna en despote dans son cœur. Elle s'appelait Catherine, mais il ne lui donnait jamais son nom entier, alors qu'il n'avait jamais abrégé celui de la première Catherine. Sans doute parce que Heathcliff avait coutume de le faire. La petite fut toujours Cathy pour lui, ce qui la distinguait de sa mère tout en la liant à elle, et c'est de ce lien, bien plus que de sa paternité, que naquit son attachement pour l'enfant. La fin de Hindley Earnshaw suivit de près celle de sa sœur. C'est à peine s'il y eut 6 mois d'écart entre les deux. J'avoue que ce coup fut plus rude pour moi que celui de la mort de Mrs. Linton, car Mr. Earnshaw avait été mon ancien maître et mon frère de lait. Je ne pouvais m'empêcher, aussi, de retourner dans ma tête cette question. Sa mort a-t-elle été naturelle ? Cette idée était si tenace que je résolus de demander la permission d'aller à Hurlevent pour aider à rendre les derniers devoirs aux défunts. Mr. Linton, malgré sa répugnance, accepta, et son homme de loi, qui avait été aussi celui de Hindley, m'accompagna. Arrivé à Hurlevent, j'expliquai que j'étais venu m'assurer que tout serait fait décemment. Même si je ne vois pas l'utilité de votre présence ici, Nelly, vous pouvez rester et diriger les préparatifs des obsèques, si cela vous chante. Le corps de ce fou devrait être inhumé à la croisée des chemins, sans cérémonie aucune. Je l'ai quitté pendant 10 minutes hier après-midi. Dans l'intervalle, il a verrouillé les deux portes de la salle pour m'empêcher d'entrer. Et puis il a passé la nuit à s'enivrer à mort, délibérément. Nous avons forcé la porte ce matin, car nous l'entendions ronfler comme un cheval. Et il était là, sur la banquette. Et on l'avait scalpé et écorché vif, on ne l'aurait pas réveillé. J'ai envoyé chercher le docteur Kenneth, et il est venu. Mais pas avant que la brute se fût changée en charogne. Et il était déjà mort, froid et raidi. Vous voyez que ce n'était pas la peine de faire beaucoup d'histoires à son sujet. J'aurais bien voulu que ce soit lui. Quand il était cherché le docteur, j'aurions soigné le maître mieux que lui. Il était point mort quand je l'ai quitté, point mort du tout. Si c'est pas possible. Pendant les obsèques, Heathcliff garda une attitude de dureté indifférente qui n'indiquait ni joie ni peine. Tout au plus, peut-être, l'impitoyable satisfaction d'avoir mené à bien une tâche difficile. J'observai une fois, à vrai dire, quelque chose comme de l'exultation sur sa physionomie, ce fut au moment même où l'on porta le cercueil hors de la salle. Avant de suivre le convoi avec Ayrton, il jucha le malheureux petit sur la table. Et maintenant, mon joli petit gars, tu es à moi. Et nous verrons si un arbre ne pousse pas aussi tordu qu'un autre quand le même vent les courbe. Hein, un bonhomme ? Cet enfant doit revenir avec moi au manoir, monsieur. Il n'y a rien au monde qui vous appartienne moins que lui. Est-ce là ce que dit Linton? Naturellement. Il m'a ordonné de le prendre. Bon, nous ne discuterons pas là-dessus pour le moment. Mais j'ai envie de m'essayer à élever un marmot. Ainsi donc, faites savoir à votre maître que je devrais remplacer celui-ci s'il essaye de me l'enlever par le mien. N'oubliez pas de le lui dire. Allez, viens, Ayrton. C'en était assez pour nous lier les mains. Je répétais ces paroles en substance à mon retour, et Edgar Linton, qui ne s'était jamais beaucoup intéressé à l'affaire, ne parla plus d'intervenir. Le visiteur était maintenant le maître à Hurlevent. Il en avait pris fermement possession, prouvant à l'homme de loi de Mr. Linton qu'Earnshaw avait hypothéqué chaque arpent de sa terre pour subvenir à sa manie du jeu, et que c'était lui, Heathcliff, qui avait bâillé les fonds. C'est ainsi que Ayrton, qui devrait être aujourd'hui le premier gentilhomme du pays, fut réduit à être complètement sous la dépendance de l'ennemi invétéré de son père, et qu'il vit dans sa propre maison comme un domestique, à ceci près qu'il ne touche pas de gage, tout à fait incapable de se faire rendre justice, parce qu'il est dépourvu d'amis et ignore qu'il a été lésé. Les Hauts du Hurlevent d'Émilie Brontë. Traduction Pierre Léris. Adaptation Juliette Eman. Sixième épisode. Avec Clotilde Mollet, Mrs. Dean, Guillaume Durieux, Heathcliff, Laurent Cléry, Lockwood, Arnaud Aldiger, Edgar Linton, Audrey Bonnet, Cathy, Jean-Claude Frissong, Joseph, Albert Gonzalez-Joulot, Ayrton Enfant. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Bruitage, Sophie Bissons. Musique originale et piano, Denis Chouillet. Violoncelle, Elena Andreev. Prise de son, montage et mixage, Antoine Vieussa, Bernard Laniel et Élise Leu. Assistant à la réalisation, Pablo Valero. Réalisation, Juliette Eman. Hurlevent Démon est publié aux éditions Flammarion.